Chapitre 2e, où Semeskin s'engage malgré lui sur la voie des aventures. Rentré chez lui, Semeskin prit les dispositions que lui imposait la mort de Josias Lacoste. Il s'occupa de faire part envoyer aux amis de la famille, du deuil qu'il fallait prendre, du service religieux qu'il convenait de commander à la paroisse. Quant au règlement des affaires personnelles de son oncle, il y aurait lieu de s'en entretenir sérieusement avec Maître Snubbin, quand les deux cousins se seraient mis d'accord. Et lorsque le notaire aurait reçu les renseignements demandés par dépêche, lui permettant de dresser l'inventaire de la succession du défunt. Ben Radle ne rentra à Montréal que 5 jours plus tard, dans la matinée du 22 mars, après un mois de séjour à New York, où il avait étudié pour le compte d'un puissant syndicat le gigantesque projet de jeter un pont sur l'Hudson entre la métropole et le New Jersey. Ben Radle s'était attelé de tout son cœur à ce travail de nature à passionner un ingénieur. Mais il ne semblait pas que la construction du pont dût être prochainement entreprise. Si on en parlait beaucoup dans les journaux, si on l'étudiait non moins sur le papier, une année sans doute, deux peut-être, s'écoulerait avant le commencement effectif des travaux. Aussi Ben Radle s'était-il décidé à revenir. Son absence avait paru longue à Semeskin. Combien elle regrettait de ne pouvoir convertir son cousin à ses propres idées, de ne pouvoir lui faire aimer son existence sans souci. Cette grande affaire de l'Hudson Bridge ajoutait encore à ses inquiétudes. Si Ben Radle y prenait part, ne le retiendrait-elle pas longtemps, des années peut-être, à New York? Et alors, Semeskin serait seul dans la maison commune, seul à la ferme de Green Valley. Dès que l'ingénieur fut de retour, son cousin lui apprit la mort de leur oncle Josias, décédé à Dawson City, en laissant pour toute fortune le claim numéro 129 situé au bord du Forty Miles Creek sur le territoire du Klondike. À ce dernier nom, très retentissant alors, l'ingénieur dressa l'oreille. Vraisemblablement, il ne l'accueillait pas avec la belle indifférence d'un Semeskin, la perspective d'être désormais propriétaire d'un gisement aurifère. Quelle que fût sa pensée à cet égard, d'ailleurs, il ne l'exprima pas sur le moment. Avec son habitude d'étudier les choses à fond, il désirait réfléchir avant de se prononcer. 24 heures lui suffirent à peser le pour et le contre de la situation, et dès le lendemain, au cours du déjeuner, il interpellait ex abrupto Semeskin, qui le trouvait singulièrement absorbé. « Dis donc, cousin, si nous parlions un peu du Klondike ?»« S'il ne s'agit que d'en parler un peu. »« Un peu ou beaucoup, Sammy ?»« À ton aise, mon cher Ben. » Le notaire ne t'a pas communiqué les titres de propriété de ce claim 129 ?»« Non. » répondit Semeskin. « Je n'ai pas pensé qu'il fût utile d'en prendre connaissance. »« Je te retrouve bien là, mon bon Sammy, » s'écria Ben Radle en riant. « Pourquoi cela ?» objecta Sammy. « Il n'y a pas lieu, ce me semble, de tant se tracasser pour cette affaire. C'est très simple. Ou cet héritage a quelque valeur, et nous le liquiderons au milieu de nos intérêts, ou, ce qui me paraît infiniment plus probable, il n'en a aucune, et nous ne nous en occuperons même pas. »« Tu as raison, » accorda Ben Radle, « mais rien ne presse. » Avec ces placeurs, on ne sait jamais. On les croit pauvres, épuisés, et un coup de pioche vous donne une fortune. » À ces mots, Semeskin sentit poindre un commencement d'inquiétude. « Eh bien, mon cher Ben, » dit-il en s'échauffant, « c'est précisément ce que doivent savoir les gens de la partie, ceux qui exploitent en ce moment ces fameux gisements du Klondike. Si le claim de Forty Miles Creek vaut quelque chose, nous essaierons, je le répète, de nous en défaire au prix le plus avantageux. Mais comme il est probable, n'est-ce pas, que notre oncle Lacoste ait quitté ce monde juste au moment d'être millionnaire ?»« C'est ce qui reste à déterminer, » répondit Ben Radle. « Le métier de prospecteur est fécond en surprises de ce genre. On est toujours à la veille de découvrir une heureuse veine. Et par ce mot de veine, je n'entends pas dire la chance, mais le filon aurifère où les pépites abondent. Enfin, il est, tu ne le contesteras pas, de ces chercheurs d'or qui n'ont point eu à se plaindre. » Oui. Répondit Semeskin, un sur 100, sur 1000, sur 100 000 plutôt, et au prix de quels soucis, de quelles fatigues, et l'on peut ajouter de quelles misères. Voilà de belles phrases, Sammy, dit Ben Radle, mais rien que des phrases. Moi, ce n'est pas sur de la littérature que j'entends raisonner, mais sur des faits, rien que des faits. Semeskin, sentant sans autrement s'en étonner où son cousin voulait en venir, se raccrocha au thème familier, et l'éternelle discussion recommença une fois de plus. « Mon cher ami, est-ce que l'héritage que nous ont laissé nos parents n'est pas suffisant ?»« Est-ce que notre patrimoine ne nous assure pas l'indépendance et le bien-être? Si je te parle ainsi, c'est que je m'aperçois que tu donnes à cette affaire plus d'importance qu'elle n'en mérite, à mon avis. Voyons, ne sommes-nous pas assez riches? On ne l'est jamais assez quand on peut l'être davantage. À moins qu'on ne le soit trop, Ben, comme certains milliardaires, qui ont autant d'ennuis que de millions, et qui prennent plus de peine à conserver leur fortune qu'ils n'en ont eu à l'acquérir. « Allons, allons, » répondit Ben Radle. « La philosophie a beau être une belle chose, il n'en faut pas abuser. D'ailleurs, ne me fais pas dire ce que je ne dis point. Je ne m'attends pas à trouver des tonnes d'or dans le claim de notre oncle Josias. Je veux me renseigner, voilà tout. » « Nous nous renseignerons, mon cher Ben, c'est convenu. Et fasse le ciel que, information prise, nous ne nous trouvions pas en présence d'une situation embarrassée à laquelle nous devrions faire face par respect pour notre famille. Dans ce cas, j'ai assuré Maître Snubbin. Tu as bien fait, Sammy, interrompit Ben Radle. Mais il me paraît superflu d'envisager cette éventualité qui ne se réalisera probablement pas. S'il y avait des créanciers, ils se seraient déjà fait connaître. Sois tranquille. Causons plutôt du Klondike. Tu l'as bien pensé que je n'en suis pas à entendre parler de ces gisements. Bien que l'exploitation remonte à 2 ans à peine, j'ai lu tout ce qu'on a publié sur la richesse de ces territoires, et je puis te dire des choses qui troubleront ta superbe indifférence. Après l'Australie, la Californie, l'Afrique du Sud, on pouvait supposer que notre globe ne contenait pas d'autres placeurs. Et voici que, dans cette partie du Nord-Amérique, sur les confins de l'Alaska et du Dominion, le hasard en fait découvrir de nouveaux. Il semble d'ailleurs que ces contrées septentrionales de l'Amérique soient privilégiées sous ce rapport. Non seulement il existe des mines d'or au Klondike, mais on en a trouvé dans l'Ontario, le Michipicoten, la Colombie anglaise, où de puissantes compagnies se sont constituées que la War Eagle, la Standard, le Sullivan Group, la Labarca, le Ferm, le Syndicate, le San Poel, le Caribou, le Deer Trail, la Georgie Reed et tant d'autres, dont les actions sont en plus-value constante, sans parler des mines d'argent, de cuivre, de manganèse, de fer et de charbon. En ce qui concerne plus spécialement le Klondike, songe, Sommet, à l'étendue que mesure cette région aurifère, 250 lieues de longueur, sur environ 40 de largeur, et cela rien que sur le territoire du Dominion, en négligeant les gisements de l'Alaska. N'est-ce pas là un immense champ ouvert à l'activité humaine, le plus vaste peut-être, qui ait été reconnu à la surface de la Terre? Qui sait si les produits de cette région ne se chiffreront pas un jour, non pas par millions, mais par milliards? Ben Radle aurait pu longtemps parler sur ce sujet. Ce mesquin ne l'écoutait plus. Ce dernier se contenta de lire en haussant les épaules. « Allons, Ben, c'est trop visible, tu as la fièvre. »« Comment j'ai la fièvre ?»« Oui, la fièvre de l'or, comme tant d'autres. Et c'est une fièvre qu'on ne guérit pas avec le sulfate de quinine, car elle n'est malheureusement pas intermittente. » « Rassure-toi, mon cher Sammy, » répondit Ben Radle en riant. « Mon pouls ne bat pas plus vite que d'ordinaire. Je me reprocherai d'ailleurs de compromettre ta magnifique santé en t'exposant au contact d'un fiévreux. Oh, moi, je suis vacciné. » Repartit sur le même ton Sam Eskim. « Mais je te vois avec peine, je l'avoue, te perdre dans des songes creux qui ne peuvent mener à rien de bon et t'emballer. Où vois-tu cela ?» interrompit Ben Radle. Il n'est question pour le moment que d'étudier une affaire et d'en tirer profit si on peut. Tu penses que notre oncle n'a guère été heureux dans ses spéculations. Il est possible, en effet, que ce claim de 40 Miles Creek lui ait rapporté plus de boue que de pépites. Mais peut-être n'avait-il pas les ressources nécessaires pour l'exploiter. Peut-être n'opérait-il pas avec méthode comme l'aurait pu faire. Un ingénieur, n'est-il pas vrai, Ben? Sans doute, un ingénieur. Toi, par exemple? Pourquoi pas? Répondit Ben Radle. En tout cas, ce n'est pas de cela qu'il est actuellement question. Il s'agit de se renseigner, tout simplement. Lorsque nous saurons à quoi nous en tenir sur la valeur du claim, nous verrons ce qu'il conviendra de faire. La conversation en resta là. En somme, il n'y avait rien à objecter aux propositions de Ben Radle. Il était naturel de se renseigner avant de prendre une décision. Que l'ingénieur fût un homme sérieux, intelligent, pratique, cela ne pouvait être mis en doute. Sammy n'en était pas moins affligé et inquiet. En voyant avec quelle sorte d'avidité son cousin se jetait sur cette proie si inopinément offerte à son ambition. Parviendrait-il à le retenir? Assurément, en aucun cas, Semeskim ne se séparerait de Ben Radle. Leurs intérêts resteraient communs, quoi qu'il pût arriver. Mais il ne se faisait pas faute de pester contre la mauvaise idée qu'avait eu l'oncle Josias d'aller chercher fortune au Klondike, où l'attendaient la misère et la mort, et il en arrivait à désirer que les renseignements demandés fussent tels qu'il n'eût pas lieu de donner suite à cette affaire. Dans l'après-midi, Ben Radol se rendit à l'étude du notaire et prit connaissance des titres de propriété qu'il trouva parfaitement en règle. Un plan à grande échelle permettait de préciser avec exactitude la situation du claim 129. On le trouvait à 42 km de Fort Kedahy, bourgade fondée par la compagnie de la baie de Hudson, sur la rive droite de 40 Miles Creek, l'un des innombrables affluents du Yukon, ce grand fleuve qui, après avoir arrosé les territoires occidentaux du Dominion, traverse toute l'Alaska et dont les eaux, anglaises dans son haut cours, sont devenues américaines en aval depuis que cette vaste région a été cédée par les Russes aux États-Unis. Vous n'avez pas remarqué une particularité assez curieuse, maître Snubbin ? Dit Ben Radl après avoir examiné la carte. Le 40 Miles Creek coupe, avant de se jeter dans le Yukon, le 141e méridien choisi comme ligne de démarcation entre le Dominion et l'Alaska. Et ce méridien se confond avec la limite occidentale de notre claim, qui est ainsi mathématiquement située à la frontière commune des deux contrées. En effet, approuva le notaire. Vraiment, reprit Ben Radl en poursuivant son examen, cette situation ne me paraît pas mauvaise à première vue. Il n'y a pas de raison pour que le 40 Miles Creek soit moins favorisé que la Klondike River, ou son affluent la Bonanza, ou ses sous-affluents la Victoria, l'Eldorado et autres rios si productifs et si recherchés des mineurs. Ben Radl dévorait littéralement du regard cette merveilleuse contrée, dont le réseau hydrographique roule à profusion le précieux métal, qui au taux de Dawson City vaut 2 342 000 francs la tonne. « Excusez-moi, monsieur Radl, hasarda le notaire. Oserais-je vous demander si votre intention est d'exploiter vous-même le placeur de feu Josias Lacoste ?» Ben Radl eut un geste évasif. « C'est que, monsieur Skim, insinua maître Snubbin. « Semi n'a pu se prononcer, déclara nettement Ben Radl. Et moi-même, je réserve mon opinion jusqu'au moment où j'aurai tous les renseignements utiles, et s'il le faut, vu par moi-même. » Songeriez-vous donc à entreprendre ce long voyage du Klondike ? Demanda maître Snubbin en hochant la tête. Pourquoi pas ? Quoi qu'on puisse penser, Sammy, l'affaire, à mon avis, vaut qu'on se dérange. Une fois Dawson City, on serait fixé. Ne fût-ce que pour vendre ce claim, pour en évaluer la valeur. Vous en conviendrez avec moi, maître Snubbin. Le mieux serait de l'avoir visité. Est-ce bien nécessaire ? Observa maître Snubbin. Ne serait-ce que pour trouver un acquéreur. Le notaire allait répondre. Il en fut empêché par l'entrée d'un employé porteur d'une dépêche. « Si ce n'est que cela, dit-il après l'avoir ouverte, voilà qui pourra vous éviter les fatigues d'un tel voyage, monsieur Radl. » Ce disant, maître Snubbin tendit à Ben Radl un télégramme daté de 8 jours, lequel, après avoir été porté de Dawson City à Vancouver, arrivait à Montréal par les fils du Dominion. Au terme de ce télégramme, l'Anglo-American Transportation and Trading Co., Chicago Dawson, syndic américain déjà possesseur de 8 claims, dont l'exploitation était dirigée par le capitaine Haley, faisait en effet pour l'acquisition du claim 129 de 40 Miles Creek une offre ferme de $5,000 qui serait envoyée à Montréal dès le reçu du télégramme d'acceptation. Ben Radl avait pris la dépêche et la lisait avec le même soin qu'il venait de mettre à étudier les titres de propriété. « Qu'en dites-vous, monsieur Radl ?» demanda le notaire. « Rien, » répondit l'ingénieur. « Le prix offert est-il suffisant ?»« $5,000 pour un claim du Klondike. »« $5,000 sont toujours bons à prendre. »« Moins que 10 000, maître Snubbin. »« C'est évident. Je présume toutefois que, monsieur Skim... »« Semis sera toujours de mon avis, si je puis appuyer cet avis de bonne raison. »« Et si je lui prouve qu'il est nécessaire d'entreprendre ce voyage, il l'entreprendra, n'en doutez pas. »« Lui ?» s'écria maître Snubbin. L'homme le plus heureux, le plus indépendant que jamais notaire ait rencontré dans l'exercice de sa profession. Oui, c'est heureux, c'est indépendant. Si je lui montre qu'il peut doubler son bonheur et son indépendance, que risquerions-nous, après tout, puisque nous serons toujours en mesure d'accepter la somme offerte par ce syndicat ? Ben Radl, après avoir quitté l'étude, prit par le plus court, tout en réfléchissant au parti qu'il convenait d'adopter. Quand il arriva à la maison de la rue Jacques-Cartier, son opinion était faite. Il monta aussitôt à la chambre de son cousin. « Eh bien, demanda celui-ci, tu as vu maître Snubbin, y a-t-il du nouveau ?»« Du nouveau, oui, Sammy, et des nouvelles. Bonnes, excellentes. »« Tu as examiné les titres de propriété ?»« Comme de juste, ils sont en règle. Nous sommes bien propriétaires du claim 129. Voilà qui va joliment accroître notre fortune, observa en riant Sammy Skim. Plus que tu ne penses peut-être, déclara l'ingénieur d'un ton sérieux. Et Ben Radel tendit à son cousin la dépêche de l'Anglo-American Transportation and Trading Company. Mais c'est parfait, s'écria celui-ci. Il n'y a pas à hésiter. Vendons notre claim à cette obligeante société et le plus vite possible encore. Pourquoi céder au prix de $5,000, ce qui peut en valoir bien davantage, ajouta Ben Radel. Cependant, mon cher Ben, eh bien, ton cher Ben te répond qu'on ne traite pas ainsi les affaires. Pour agir en connaissance de cause, il faut avoir vu, de ses propres yeux, ce qui s'appelle vu. Tu en es toujours là, plus que jamais. Réfléchis donc, Sammy. Si l'on nous fait cette proposition d'achat, c'est que l'on connaît la valeur du claim, c'est que cette valeur est infiniment plus considérable. Il ne manque pas d'autres placeurs disponibles le long des rios ou dans les montagnes du Klondike. Qu'en sais-tu? Et, poursuit Ben Radel sans s'occuper de l'interruption, si une société qui en possède déjà plusieurs veut acquérir le nôtre, c'est qu'elle a non pas 5 000 raisons pour offrir $5,000, mais 10 000, mais 100 000. 1 million, 10 millions, 100 milliards? Continua Sammy railleur. Vraiment, Ben, tu jongles avec les chiffres. Les chiffres, c'est la vie, mon cher, et je trouve que tu ne chiffres pas assez. C'est peut-être que tu chiffres trop. Voyons, mon cher Sammy, c'est très sérieusement que je te parle. J'hésitais à partir. Depuis l'arrivée de cette dépêche, je suis décidé à porter ma réponse en personne. Quoi, tu veux partir pour le Klondike? Oui. Sans avoir pris de renseignements, je me renseignerai sur place. Et tu vas encore me laisser seul? Non, puisque tu m'accompagneras. Moi, toi, jamais. Si, car l'affaire nous regarde tous deux. Je te donnerai mes pouvoirs. Je les refuse. C'est ta personne que je veux. Un voyage de 1500 lieues. Pas du tout. 1800 seulement. Seigneur, et qui durera? Ce qu'il devra durer. Il peut arriver en effet que nous ayons intérêt, non pas à vendre notre claim, mais à l'exploiter. Comment à l'exploiter? S'écria Sammy Skim, éperdu. Alors c'est toute une année? Deux, s'il le faut. Deux ans, répétait Sammy Skim. Qu'importe, s'écria Ben Radel, lorsque chaque mois, chaque jour, chaque heure accroîtra notre fortune. Non, non, s'exclamait Sammy Skim en se blottissant, en s'enfonçant dans son fauteuil, comme un homme résolu à ne jamais le quitter. Mais il avait affaire à forte partie. Ben Radel, bien certainement, ne lui ferait grâce que lorsqu'il aurait emporté son consentement de haute lutte. « Quant à moi, Sammy, conclut-il, je suis décidé à partir pour Dawson City, et je ne puis croire que tu refuses de m'accompagner. D'ailleurs, tu as été trop sédentaire jusqu'ici, il faut un peu courir le monde. »« Eh !» fit Sammy Skim, « j'aurais bien d'autres contrées à visiter en Amérique ou en Europe, si j'en avais le goût. » Assurément, je ne commencerai pas par m'enfoncer jusqu'au cœur de cet abominable Klondike. Qui te paraîtra charmant, Sammy, lorsque tu auras constaté par toi-même qu'il est semé de poudre d'or et pavé de pépites? Ben, mon cher Ben, supplia Sammy Skim, tu me fais peur. Oui, tu me fais peur. Tu vas t'embarquer là dans une affaire où tu ne trouveras que péril et désillusion. Nous le verrons bien. À commencer par ce maudit claim, qui n'a sans doute pas la valeur d'un carré de chou. Alors pourquoi cette compagnie en offrirait-elle plusieurs milliers de dollars? Et quand je songe, Ben, qu'il faut l'aller chercher, ce claim dérisoire, dans un pays où la température tombe à 50 degrés au-dessous de zéro, nous ferons du feu. À tout, Ben Radel trouvait la réplique. La détresse de son cousin le laissait complètement insensible. Mais Green Valley, Ben, soupira celui-ci. Bon, répliquait Ben Radel, le gibier ne manque pas aux plaines, ni le poisson au rio du Klondike. Tu chasseras, tu pêcheras dans un pays nouveau, qui te réserve des surprises. Mais nos fermiers, nos braves fermiers qui nous attendent, gémissait Sammy, auront-ils lieu de regretter notre absence lorsque nous serons revenus assez riches pour leur bâtir d'autres fermes et pour acheter tout le district? Finalement, Sammy Skim dut s'avouer vaincu. Non, il ne laisserait pas son cousin partir seul pour le Klondike, il l'accompagnerait, ne fût-ce que pour l'en ramener plus vite. Aussi, ce jour-là, une dépêche s'envola-t-elle sur les fils télégraphiques du Dominion, annonçant au capitaine Haley, directeur de la Transportation and Trading Company Dawson City Klondike, le prochain départ de M. Ben Radel et Sammy Skim, propriétaires du Claim 129.